force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Cesse d'envier les autres, mon frère. Tu es une créature unique, créée à l'image de Dieu. Tu dois être fier de ce que tu es en Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Même si tu vis des moments d'épreuve, sache que ce moment, c'est une transition vers la gloire. Tiens bon et manifeste toujours ta confiance et ta foi en Jésus et tu triompheras. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre temps de prière OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 12, 1 à 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Lisons 1 Samuel chapitre 12 à partir du verset 1. Samuel dit à tout Israël: voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, je blanchis et mes fils sont avec vous. Je marchais à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Mais voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous les rendrai. Ils répondirent: tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main des personnes. Il leur dit encore: l'Éternel est témoin contre vous et son oint en ce jour, que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent: ils en sont témoins. Alors Samuel dit au peuple: c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte, et les firent habiter dans ces lieux. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisra, chef de l'armée de Hatsor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent: nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Et l'Éternel envoya Jérubal, Bédan, Jephté et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient et vous demeurâtes en sécurité. Puis voyant que Nakash, roi des filles d'Amon, marchait contre vous, vous m'avez dit: non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité: apprenons à faire les bilans de nos responsabilités en tant que leader. Chacun de nous devrait être à mesure de faire le bilan. Quand on t'a confié une responsabilité, que ce soit à l'église, que ce soit au niveau de la nation, que ce soit au niveau du village, d'un département, à quelque niveau que ce soit, nous devrions être à mesure, après un certain nombre d'années, de faire le bilan. C'est l'exemple que nous voyons ici de Samuel. Il fut juge, il a été à la tête de la nation d'Israël en tant que juge pendant plusieurs années. Et maintenant, il est devenu vieux, il s'apprête à déposer ses fonctions. Il fait le bilan, parfois de manière publique. Et nous devons chacun faire ce bilan. Est-ce que mon bilan est-il positif ou négatif? Écoutez ce que Samuel dit au verset 1. Samuel dit à tout Israël: voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit. J'ai établi un roi sur vous. Maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux. Je blanchis et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Mais voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous les rendrai. Vous voyez, il y a deux domaines ici que je voudrais souligner que Samuel est en train de toucher. D'abord, il y a le domaine de l'intégrité. Nous devons être intègres, surtout en tant que leader. Nous devons faire le bilan. Est-ce que suis-je un leader intègre? Ai-je marché dans l'intégrité? Ici, nous voyons que Samuel dit, si quelqu'un peut dire contre moi que j'ai pris l'âme de quelqu'un, ou bien j'ai fermé les yeux. C'est ce qu'on appelle dans notre langage aujourd'hui la corruption. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il m'a corrompu pour que je puisse fermer les yeux sur lui? Vous voyez? Donc, l'intégrité. Dieu veut des leaders, des hommes intègres. Et nous devons toujours nous remettre en cause. Suis-je intègre? Et le deuxième domaine, c'est le domaine des relations humaines. Quand Dieu nous place comme des leaders, comment avons-nous géré ce que Dieu nous a confié? Est-ce que nous les avons opprimés? Est-ce que nous étions comme des dictateurs? Est-ce que nous étions des gens pour encourager les autres ou bien les rendre mal à l'aise ou pour les écraser? Vous voyez? Donc, nous devons savoir que le modèle de leadership biblique, c'est le modèle de leader serviteur. Ce n'est pas un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour écraser les autres, pour dire chaque fois c'est moi qui suis le chef, c'est moi qui suis le commandant, c'est moi qui suis le directeur, c'est moi qui suis ceci et je veux que tout le monde le sache, je vais écraser les autres. Samuel dit ceci. Il pose la question, qui ai-je opprimé? Donc, ça montre que pendant qu'il était juge, il n'était pas là pour opprimer les autres. Au contraire, un leader est là pour encourager les autres, pas pour opprimer les autres. Il dit, qui ai-je opprimé? Et qui ai-je traité durement? Vous voyez, il n'était pas là pour traiter durement. Il était là pour rendre justice selon la pensée de Dieu, de manière correcte, de manière équitable. Bien-aimé, apprenons chacun de nous à faire le bilan. Même en tant que chef de famille, je parle à un homme. Tu es chef de famille, aujourd'hui tu as plus de 10 ans de mariage, Dieu t'a donné une femme et des enfants. Comment as-tu géré ta famille? As-tu été un père modèle? Est-ce que tu as bien géré tes enfants? Comment tu as géré tes relations avec ta femme pendant toute cette période? As-tu été un mari fidèle? As-tu rempli tes responsabilités de mari? As-tu rempli correctement les responsabilités des pères de famille? Nous devrons être capables de faire le bilan. Deuxième vérité, n'oublions pas les bienfaits de Dieu en nous rebellant contre lui. Vous voyez, l'un des défauts d'Israël, c'était l'oubli des bienfaits de Dieu. Ils avaient un Dieu qui a manifesté sa grâce, sa bonté, qui les a secourus, mais tout de suite, ils oubliaient les bienfaits de Dieu et se rebellaient contre lui. Et c'est ce que Samuel rappelle ici. Lorsque nous lisons le verset 6, il est dit, « Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya Moïse et Aaron qui firent sortir vos pères d'Égypte. Et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu. Et les vendit entre les mains de Sisra, chef de l'armée de Hatson, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab qui leur fit la guerre. N'oublie pas les bienfaits de Dieu, mon frère. Regarde comment Dieu t'a béni. Aujourd'hui, tu travailles. Aujourd'hui, tu as un bon salaire. Regarde d'où le Seigneur t'a tiré. Tu n'avais même pas où dormir. Mais aujourd'hui, au lieu de marcher dans la crainte de Dieu, c'est toi maintenant qui vis dans l'immoralité, qui vis dans la corruption. C'est toi maintenant qui dois entrer dans les mouvements mystiques. Est-ce que ce sont ces mouvements qui t'ont donné ce travail? C'est parce que tu étais fidèle à l'église, parce que tu donnais ta dîme, tes offrandes, que Dieu t'a béni. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, Dieu t'a béni? Tu as oublié ces choses? Tu as oublié de soutenir l'œuvre de Dieu et tu commences à soutenir les œuvres profanes. Dieu n'est pas content de toi. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. C'est cet oubli-là qui faisait que l'Éternel livrait son peuple entre les mains des ennemis. Chaque fois que nous oublions Dieu, il retire sa main et c'est l'ennemi qui va commencer à dominer sur nous. Troisième vérité, notre Dieu est un Dieu de délivrance. Il n'oublie jamais son peuple. Chaque fois que nous oublions Dieu, nous tombons dans le péché et que nous nous repentons pour crier à lui, il est là pour nous délivrer. Je veux dire à une sœur, c'est vrai tu as abandonné Dieu parce que tu as vécu des moments difficiles, parce que tu as dit que tes parents t'ont abandonné et tu es retourné dans le monde, mais il n'est pas encore tard. Reviens au Seigneur, repens-toi sincèrement, demande-lui pardon. Passe même un temps de jeûne de 3 jours pour te repentir, pour crier à Dieu. Et il est capable de te délivrer. Tout ce que tu vis, des problèmes de santé, des problèmes de blocage financier, l'Éternel est capable de te délivrer. Crie à lui, détourne-toi du péché et l'Éternel va toujours te secourir. Vous voyez Israël ici. Chaque fois qu'Israël se détournait de Dieu, il revenait à l'Éternel. Et quand il revenait à Dieu, il criait de tout son cœur. Dieu suscitait des gens pour le délivrer. Parce qu'il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu qui a toujours compassion de son peuple. Il est dit ici, au verset 10, « Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. » Et l'Éternel envoya Jérubal, Bédan, Jephté, Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient et vous demeurâtes en sécurité. Vous voyez, ils ont crié à l'Éternel, ils ont confessé leurs péchés. Oui, tu dois reconnaître tes péchés, tu dois te repentir et tu cries à l'Éternel. La délivrance véritable et les résultats de notre vie de repentance. Tant que tu ne te repens pas sincèrement, ne t'attends pas à une délivrance. Je vais parler à une jeune fille. Tu vis des blocages dans ta vie, mais il y a des choses cachées que tu ne confesses pas. Quand tu vas voir ton pasteur, il faut dire, ne cache rien si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le glorifier. Chantons ces chants. Une fleur, alléluia, gloire au Seigneur. Il mérite la louange, il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Élevons nos voix. Amen. Nous sommes à notre émission OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 12, 1 à 12. Cette émission est produite à partir d'Abidjan. C'est votre serviteur microphone, le révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous encourageons tous ceux qui partagent OSB par WhatsApp. Partagez avec vos amis, partagez avec vos frères. Et si cette émission vous fait du bien, nous aimerions entendre vos témoignages. Que Dieu soit béni. Nous allons prier le Seigneur. Apprenons à faire le bilan de notre vie. Samuel a fait le bilan. Et dans ce bilan, il a montré qu'il était intègre. Personne ne pouvait l'accuser de corruption. Personne ne pouvait dire qu'il a écrasé les autres. C'est quelqu'un qui savait encourager les autres. C'est quelqu'un qui savait développer de bonnes relations. Il n'était pas là pour opprimer. Prions le Seigneur qui nous aide à faire notre bilan. Et prions particulièrement pour ceux qui occupent des postes de responsabilité à quelque niveau que ce soit, afin que leur bilan soit un bilan positif qui tient compte l'intégrité, les relations humaines. Prions le Seigneur. Tendre Père, ce matin, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous nous tournons vers toi et nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Ce matin, c'est avec joie que nous te disons merci parce que tu as veillé sur nous durant cette nuit, parce que tu as veillé sur nous durant tout ce mois, parce que tu as veillé sur nous depuis le début de cette année. Nous ne cesserons de t'exprimer notre reconnaissance pour cette sécurité exceptionnelle que tu nous accordes. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que tu nous aides à faire le point, à faire le bilan de notre vie, de nos activités. Père, tu nous as appelés, tu nous as équipés, tu nous as envoyés pour être des exemples partout où nous irons. Fais en sorte, Père éternel, que notre bilan soit un bilan positif, que le point de notre intégrité soit évident et que le témoignage concernant notre marche avec toi, concernant notre droiture, soit un témoignage qui édifie le peuple de Dieu. Nous prions pour tes servantes et tes serviteurs. Nous demandons, Père éternel, que tu les gardes et tu les sécurises et que tu fasses d'eux de véritables enfants de Dieu, de véritables serviteurs de Dieu, de véritables exemples partout où ils exercent leur ministère. Nous prions au Père éternel contre toute pollution. Nous prions contre toute forme de sabotage. Nous prions contre tout manque d'intégrité au sein de tes servantes et de tes serviteurs. Guide chacun de tes servantes et de tes serviteurs afin qu'ils soient un exemple. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier particulièrement pour nos leaders dans nos églises, afin que Dieu suscite de véritables leaders intègres comme Samuel, des véritables leaders serviteurs qui ne sont pas là pour écraser les autres, pour opprimer les autres, qui ne sont pas là pour leurs propres intérêts, mais qui sont là pour voir l'avancement du règne de Dieu et qui peuvent réellement être des véritables motivateurs. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci ce matin pour ta parole. Te dire merci parce que sans toi, nous ne sommes rien. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, tu nous as mis au large et tu nous as confié des responsabilités. Jésus a dit qu'il est venu sauver et il est venu mourir et sauver beaucoup de personnes. Notre Dieu, notre Père, il a été humble. Il s'est donné gratuitement sur la croix pour nous. Il n'a jamais écrasé. C'est lui que nous suivons, c'est lui qui est notre guide, qui est notre berger, notre Dieu, notre Père. Donne-nous l'exemple de Jésus-Christ, qui n'a jamais écrasé, qui n'a jamais cherché à s'imposer, mais il faisait ta volonté. Aide-nous en tant que leader, en tant que pasteur, en tant que chef de famille, là où tu nous places, à savoir diriger, avoir un esprit, l'esprit d'un leader serviteur, celui-là qui donne l'exemple. C'est lui quand il dit quelque chose, il va au charbon, il le fait pour montrer l'exemple, pour que les autres fassent comme lui. Notre Dieu, notre Père, c'est à cela que tu nous as appelés, pour que des âmes soient gagnées, des âmes soient transformées, des familles soient gagnées. Partout où tu nous mets, donne-nous cet esprit d'humilité, cet esprit de crainte de Dieu, cet esprit de quelqu'un sur qui on peut compter. Merci Père. Parce que nous comptons sur toi, sur ton esprit, sur ta parole. Conduis-nous à être des bons exemples pour toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oublions pas les bienfaits de Dieu, comme le firent les enfants d'Israël. Nous venons de voir que Dieu, chaque fois qu'ils oubliaient les bienfaits de Dieu, Dieu les livrait entre les mains de leurs ennemis. Et chaque fois qu'ils se repentaient, sincèrement, Dieu les délivrait de leurs ennemis. Prions le Seigneur. Si tu te rends compte que tu as oublié les bienfaits de Dieu, tu t'es écarté de la voie de Dieu, demande pardon. Demande pardon et crie à l'Éternel afin qu'il puisse te délivrer des situations difficiles que tu vis. Chacun de nous va prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin encore, je voudrais venir à toi en te louant, en te glorifiant, en te magnifiant. Parce que tu as fait et tu continues de faire des grandes choses dans notre vie, malgré la situation que nous sommes en train de vivre en ce moment. Merci pour tes œuvres qui sont innombrables. Merci parce que tu nous secours, tu veilles sur nous, tu gardes nos pas. tu nous accordes ta bonté et tu nous délivres. Merci parce que chaque jour, tu nous conserves la vie. Tu nous accordes ton affection. Chaque jour, tu nous envoies de la nourriture. Chaque jour, tu nous instruis et tu nous montres la voie que nous devons suivre. Tu nous conseilles et nous sommes l'objet de tous tes bienfaits. Et parmi nous, beaucoup ont la mémoire très courte. Déjà, ils ont oublié ce que tu as fait pour eux. Ce que tu leur as accordé. Ils ont oublié la vie qu'ils ont en ce moment précis. Comme les enfants d'Israël. Et chaque fois que ces enfants se sont repentis et qu'ils sont revenus sincèrement à toi, tu les as secourus. Et ce matin, pour tous ceux ou tous celles qui ne croient point en toi, toutes ces personnes qui ont perdu la foi et qui se demandent où est leur Dieu et qui ont oublié ce que tu as fait dans leur vie avant. Seigneur, je veux te demander pardon pour leur vie. Nous crions à toi pour toutes les personnes qui ont soif de toi. Ô Dieu, le Dieu de délivrance, viens, restaure-nous. Merci pour l'enseignement que tu nous as donné à cause de la situation que nous vivons. Nous voulons nous remettre en cause et revenir à toi pour te glorifier, pour te magnifier et pour marcher en nouveauté de vie afin que tes bienfaits, tes hauts faits, tes grands faits, ton amour sans fin soient encore manifestes dans notre vie. Béni sois-tu, ô Éternel, pour ta parole qui s'accomplit dans notre vie. Merci, parce que tu nous accompagnes encore tout au long de la journée. Alléluia. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et rendu grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.